Pour dire envoyer, on peut employer senden ou plus souvent schicken. Schicken qui s'écrit S-C-H-I-C-K-E-N. Schicken. Comment diriez-vous je vous l'enverrai? Je vais vous l'envoyer. Ich werde es Ihnen schicken. Ich werde es Ihnen schicken. Et comment diriez-vous il me l'a envoyé? Quand on plonge dans le passé de schicken, on trouve geschickt. Donc, il me l'a envoyé. Er hat es mir geschickt. Er hat es mir geschickt. Recevoir se dit erhalten. Erhalten, ça s'écrit E-R-H-A-L-T-E-N. Erhalten. On n'insiste pas à l'oral sur la particule er, donc elle n'est en quelque sorte pas assez forte pour se détacher. Alors, comment diriez-vous « je ne l'ai pas encore reçu » ? Pas encore en allemand, c'est « encore pas ». Noch nicht. Noch nicht. Par ailleurs, lorsqu'on plonge dans le passé de « erhalten », on trouve également « erhalten ». Donc, « je ne l'ai pas encore reçu ». Ich habe es noch nicht erhalten. Ich habe es noch nicht erhalten. C'est ça. Tenir se dit halten. Halten, ça s'écrit H-A-L-T-E-N. Et anhalten signifie arrêter, empêcher d'avancer. Anhalten. Anhalten. Et si quelqu'un marche, on peut lui dire halten Sie an. Halt signifie stop. Vous verrez sans doute des panneaux halt. Pensez au français halt. Reprenons. Recevoir se dit erhalten. Erhalten. Erhalten. Oui. Alors, encore une fois, comment diriez-vous je ne l'ai pas encore reçu? Ich habe es noch nicht erhalten. Ich habe es noch nicht erhalten. Garder, c'est behalten. Behalten, ça s'écrit B-E-H-A-L-T-E-N. Behalten. Comme pour erhalten, que nous avons vu précédemment, à l'oral, on n'insiste pas sur la particule be, qui donc n'est pas assez forte pour se détacher. Comment diriez-vous vous pouvez le garder? Lorsqu'on plonge dans le passé de behalten, on trouve également behalten. Donc, vous pouvez le garder, c'est Sie. Sie können es behalten. Sie können es behalten. Oui. Comment dit-on entendre? Entendre, comme dans l'expression au revoir, quand par exemple on dit au revoir au téléphone, auf wieder. Hören. Oui. Hören, c'est entendre. Et comment diriez-vous je ne peux pas l'entendre? Ich kann es nicht hören. C'est ça. Ich kann es nicht hören. Oui. Gehören signifie appartenir. Gehören. G-E-H-O-R-E-N. Gehören. Comment dit-on cela m'appartient? Es gehört auf mich. À moi? Es gehört mir. Es gehört mir. Oui, es gehört mir. Et donc, cela ne m'appartient pas? Es gehört nicht mir. Es gehört Es gehört mir nicht. Bien, es gehört mir nicht. Tout à fait. Et comment diriez-vous cela vous appartient? Es gehört Ihnen. Bien. Es gehört Ihnen. Et est-ce que cela vous appartient? Cela vous appartient-il? Gehört es Ihnen? Très bien. Gehört es Ihnen? Cela vous appartient-il?